continue à connaître ensemble. Bon après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission Connaître ensemble, une émission pour les couples, les femmes et les sages-femmes. Aujourd'hui, Marie-Pierre n'est pas là, alors je me présente pour ceux qui auraient oublié ma jolie voix. C'est Christine qui va, dans le fond c'est moi qui va faire l'animation aujourd'hui en remplacement de Marie-Pierre qui ne pouvait pas être là. Alors, le sujet d'aujourd'hui pour l'émission, on va parler de prématurité. On a un peu une introduction sur le thème, puis après ça, on va avoir une entrevue avec Amélie Roy-Langlois, qui est en studio avec nous. Alors, avec moi en studio, j'ai Laurence. Bonjour, Laurence. Bonjour, Christine. Et bonjour, Amélie. Alors, si tu veux nous parler de la prématurité pour commencer, Laurence? Oui, j'ai une petite introduction sur notre sujet d'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que la prématurité d'un enfant? C'est un enfant qui naît avant 37 semaines de grossesse. Bien sûr, il y a différents stades de prématurité. Donc, 33 à 37 semaines de grossesse, on dit c'est la prématurité normal, je dirais. Il n'y a pas de normalité, mais en tout cas, peu importe. C'est, ensuite, grand prématuré, c'est de 28 à 32 semaines qu'on calcule à partir de la semaine, le premier jour des dernières règles, les semaines d'aménorrhée là, et non de développement du bébé. Puis, très grande prématurité, 25 à 27 semaines et extrême prématurité, moins de 24 semaines. Donc, il faut dire aussi que la prématurité au Québec est en augmentation présentement, les grossesses avant terme. Les causes de la prématurité, bien, il y en a plusieurs. Chaque histoire d'un enfant prématuré est unique et différente. Il y a certaines causes, par exemple les grossesses multiples, qui augmentent un petit peu le risque d'accoucher avant terme. On a aussi des problèmes médicaux comme des anomalies au niveau de l'utérus, des infections, des MTS, listériose, toxoplasmose, la haute pression, le diabète, un placenta prévial, un placenta qui est plus bas. Ça peut être toutes sortes de causes en fait. Et puis, il y a beaucoup de causes aussi inconnues qu'on ne pourra jamais vraiment savoir. Puis des fois, il y a des causes aussi liées aux circonstances de la grossesse, donc... C'est dur de dire exactement ça va être quoi, mais tu sais, ça peut être un grand stress, un choc émotif. C'est très, très, très, très, très varié. C'est très varié, puis ça peut... ça peut être une multitude de causes mises ensemble qui amène une femme à accoucher prématurément. Faut dire aussi, les accouchements d'un enfant prématuré, ben ça peut se faire... ça peut être provoqué pour des raisons médicales dues à la mère ou au fœtus. Donc, un fœtus un bébé qui va moins bien dans le ventre de sa mère, on va provoquer un accouchement. Mais ça peut aussi être une rupture prématurée de la poche des os ou un travail précoce qui commence. Puis, ça peut se faire par accouchement finalement vaginal, naturel, ou ça peut être. Ça peut demander différentes interventions comme une césarienne, par exemple. Puis, les répercussions, bien. 9 fois sur 10, qu'on nous dit sur le site de Préma Québec, les enfants prématurés deviennent des adultes actifs et accomplis, sans séquelles, sans troubles majeurs. Peux-tu juste préciser, c'est quoi ce site-là, Préma Québec? Préma Québec, c'est un organisme qui offre toutes sortes de ressources, dans le fond, pour les parents qui ont un enfant prématuré. C'est bon. Et puis, c'est ça. Fait que 9 fois sur 10, il n'y a pas nécessairement de séquelles graves, puis les enfants vont bien aller. Mais c'est sûr qu'il peut avoir, ça peut engendrer certaines séquelles mineures à importantes là, pour certains, dans certaines situations. Puis tout dépendant aussi de la semaine, ben du moment où... Plus proche il est à terme, dans le fond, l'enfant, moins il va avoir de séquelles sûrement. Oui, il y a moins de risques, mais en même temps, il y a des enfants autant qui vont naître à 26 semaines, qui vont très, très bien s'en sortir avec aucune séquelle, puis d'autres, pour on ne sait pas pourquoi, vont s'en sortir avec certaines difficultés plus tard. Donc, c'est vraiment... Tu sais, il y a toutes sortes d'enjeux éthiques autour de la prématurité, parce qu'il y a certains qui vont dire on sauve des enfants beaucoup trop tôt maintenant. Puis, mais en même temps, il y en a qui s'en sortent tellement bien que c'est dur de juger ben quand on intervient, quand on n'intervient pas. Puis comme aujourd'hui, avec nous en studio, on a Alexandrine, que vous avez peut-être entendue, qui est la fille de... la petite fille de notre invitée, et puis qui est en pleine santé et qui va très bien. Donc, c'est des belles histoires aussi qui surviennent. Oui, heureusement. Oui. Fait que c'est un peu, en gros, c'est ça. Ah oui, ben en termes de nombre aussi, j'avais quelques chiffres. Au Québec, l'Institut national de santé publique du Québec, en 2008, notait une proportion de 7,7% d'enfants nés prématurément. Donc, plus de 6 000 enfants annuellement vont naître avant terme. Et de ce nombre, environ 1000 bébés naissent avant 32 semaines. Oh, quand même, hein? Ouais. Fait que ça, c'est au Québec? Ouais, seulement au Québec. Puis, c'est ça. Oui, c'était les chiffres que j'avais, là. J'en avais pas rajouté d'autres. Puis, voilà. Ça résume quand même vraiment bien c'est quoi la prématurité, parce que des fois, on se demande c'est qu'à partir de quelle semaine, vraiment, puis là, de savoir aussi qu'il y a plusieurs gradations, oui, en fond, oui. dans la savoir jusqu'à où ça peut aller. Même. Oui, c'est ça. Bon, ben, merci Laurence. Très bon résumé. Donc, aujourd'hui, après la pause, dans le fond, on va faire l'entrevue avec Mme Amélie Roy-Langlois, qui a eu un petit bébé cette année, qui est né prématurément, puis qui vient nous parler, dans le fond, de son expérience de vie un petit peu. On peut dire bonjour, Amélie. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invitée. Ouais, oui. Alors, on s'en va en chanson avec Clash dans le tempo. Qui est chantée par Constance Amiotte. Vous êtes à l'écoute de Connaître ensemble sur les ondes de CIFOU 89.1. Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. Stop le tempo du cœur qui bat, y'a des rêves que t'as laissé filer. Stop le tempo des tigres et tacs, y'a des rires que t'as laissé tomber. Je vois que ça dérive chez les rêveurs, j'entends des rimes chargées d'erreurs. Des rires, y'a plus repère dans l'air du temps, plus rien à faire. Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. Stop le tempo en dérapage, y'a un monde en manque le repère. Stop le tempo, tourne la page, y'a un monde en langue de vipère. Je vois que ça dérive chez les rêveurs, j'entends des rimes chargées d'erreurs. Je vois que ça dérive, y'a plus repère dans l'air du temps, plus rien à faire. Dérive chez les rêveurs, des rimes chargées d'erreurs. Je vois que ça dérive, y'a plus repère dans l'air du temps, plus rien à faire. Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. C'est dans le tempo. Stop le tempo du cœur qui bat, y'a des histoires qui n'attendent que toi. Stop le tempo qui trompe le temps, sur dans pas juste et tu le sens. Le temps ça va, ça vient, ça fume, ça frime, en plus ça rime. Seul l'acido, y'a pas de tempo, y'a plus d'histoires qui tiennent le rythme. Prends le piano, prends mon lasso, j'ai sa guitare qui pique un fardeau. La mise me fait la bise, j'entends pas atterrir. Il pose ses yeux sur moi, sur mon silence, son sourire. Stop le tempo du cœur qui bat, j'entends des rires, des cœurs, des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir qu'en faire. Des rires, des cœurs, des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. De retour à Connaître ensemble. Alors, vous venez d'entendre Clash dans le tempo de Constance Amiotte. Alors, on va faire une entrevue avec Amélie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, en fait. Alors, oui, bonjour Amélie. Bonjour Laurence. Tout d'abord, peux-tu nous mettre un petit peu dans le contexte, quand est née ta fille? Oui. Dans oui. quelles circonstances? Bien, en fait, c'est mon deuxième bébé, en fait. J'ai un garçon de 6 ans, donc c'est ma deuxième grossesse. Faut dire que la première grossesse, c'était un bébé à terme, une grossesse très simple, aucune complication. Ça avait bien été. Ça avait bien été. Et là, deuxième grossesse, surprise, ma fille est née à 28 semaines de grossesse, donc au printemps, au mois d'avril l'an passé. Donc, voilà, c'est ça. La grossesse a été très différente, vraiment très compliquée. Et puis, ma fille, c'est ça, est née... elle fait partie des grandes prématurées. OK. Ouais. Puis comment ça s'est passé un peu? Est-ce que tu as eu des complications durant ta grossesse? Oui, c'est ça. En fait, à partir du deuxième trimestre, à partir de 3 mois environ, j'ai commencé à avoir des saignements, des hémorragies, en fait. Pardon. Ils ne savaient pas, en fait, les spécialistes étaient penchés sur la question. J'ai eu toutes sortes d'échographies. Finalement, ils ne savaient pas d'où venaient, finalement, ces saignements-là. Ça avait bien commencé, là, le début de la grossesse était vraiment parfait, j'avais de l'énergie, tout était beau. Puis c'est vraiment à partir du deuxième trimestre là, que ça a commencé à moins bien aller. Puis finalement, j'ai crevé mes os à 25 semaines de grossesse, probablement dû à l'hémorragie qui aurait possiblement fragilisé la membrane utérine. Mais il n'y a pas d'absolu là, qui me disent en obstétrique. Ils peuvent pas me garantir c'est quoi finalement la cause de mon accouchement prématuré. OK. Donc, tu t'es retrouvée à 25 semaines de grossesse à l'hôpital. Oui, c'est ça. Là, je suis arrivée à l'hôpital au département de grossesse à risque, au CHUR, au Centre Mère-Enfant à Québec. Puis, je suis restée environ 3 semaines. Je pense que je suis restée 18 jours, en fait, en grossesse à risque, donc sous haute surveillance. Pardon. Un chien dans la gorge. Puis voilà, ils ont décidé de sortir de me faire une césarienne à 28 semaines de grossesse. Donc, c'était comme une victoire à quelque part d'avoir pu attendre un 3 semaines de plus. Oui, ouais. C'est ça. Parce que c'est important, 3 semaines. Oui, quoique il y a aussi des belles histoires là, de bébés qui naissent avant 28 semaines, puis tout se passe bien. C'est juste des fois un petit peu plus de complications. OK. Ouais. Donc, puis pendant ce temps-là, pendant ces semaines-là, tu étais alitée? Oui, c'est ça. J'ai été alitée. En fait, j'avais le droit de me lever, mais il aurait fallu que je reste couchée vraiment tout le long de mon séjour à l'hôpital. Mais bon, parce que j'avais crevé mes os, donc je suis restée finalement sans liquide amniotique pendant presque 3 semaines. Ah ouais. Évidemment, c'est quand même stressant parce que ils disent bon que dès qu'on crève nos os, ben finalement c'est une porte ouverte aux bactéries, tout ça, fait que c'était très très surveillé. Puis ils ont tenté une amio-infusion qu'ils appellent, donc d'essayer de remettre du liquide, ce qui n'a pas fonctionné. Donc ils ont vraiment attendu la dernière minute pour essayer cette intervention là. Donc, ça a créé un décollement placentaire, puis 3 jours après, ils ont dû sortir la poupoune. OK. Donc, ça s'est fait un peu d'urgence. J'imagine le bébé allait moins bien. Ben, en fait, ils ne voulaient pas attendre qu'elle aille pas bien. Donc, ils savaient que là, ça allait bien, mais ils voyaient que finalement, il fallait qu'il la sorte de toute façon, puis qu'elle serait mieux. Elle était coincée, là, évidemment, dans mon ventre, elle n'était pas dans l'eau, donc c'était de plus en plus, j'avais des contractions des fois, donc c'était de plus en plus douloureux pour elle et pour moi. D'ailleurs, elle est née avec un petit torticolis, là, une main puis un pied qui était un petit peu coincé, un petit peu croche. Finalement, ça s'est replacé au cours des semaines qui ont suivi l'accouchement, mais c'est ça, ils ont décidé de la sortir pour être sûr que finalement l'unité néonatale prenne en charge Alexandrine puis s'en occupe, donne tous les soins possibles. OK. Ouais. Donc. Mais c'est surprenant quand même. Est-ce que quand tu as crevé la poche des os, est-ce que tu as eu des contractions quand même? Non, j'avais pas vraiment de contractions au début. Ce qui est arrivé, c'est que, en fait, moi, j'ai eu des hémorragies pendant 2 mois. Là, où je saignais là, abondamment tous les jours. Ah ouais, finalement, c'est, à l'accouchement, ils se sont rendus compte que c'était un vieux décollement placentaire. Parce qu'en fait, j'ai comme arrêté de saigner. Quand j'ai crevé mes os, ça faisait une semaine que j'avais plus de saignement. Donc, j'étais hurra, j'étais très contente. Ouais. Je me disais, une fin de grossesse qui va bien terminer. Puis finalement, non. C'est ça, quand j'ai crevé mes os, en fait, là, j'ai pas eu le choix. Là, ils ont pas eu le choix de me garder à l'hôpital. Moi, j'aurais aimé qu'ils me gardent avant parce que j'étais beaucoup angoissée par cette grossesse-là. Ouais. Parce que les saignements, quand on sait pas d'où ça vient, ça peut être très, très inquiétant. Puis, mais Alexandrine allait très bien. Elle n'a pas eu de retard de croissance dû au décollement placentaire, ce qui peut arriver. Mm-hmm. Oui. Puis, mais, oui. Non, vas-y. Mais justement, par rapport, que tu dis que tu te sentais vraiment angoissée, est-ce que tu t'es quand même senti soutenue par l'équipe? L'équipe médicale, puis tout ça, ou ton entourage, oui, ou une deux. Fois, oui, oui, oui. Ben, une fois arrivée à l'hôpital, c'est sûr que c'est vraiment des spécialistes. Donc, c'est très... je me sentais en confiance parce que c'est ça. Ils me racontaient... J'ai rencontré aussi d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi. Puis bon, je voyais que ça allait bien, qu'elle allait bien, en fait. Mm-hmm. Mais c'est sûr que pendant ma grossesse, j'étais très... Oh, on l'entend. Vous l'entendez sûrement. C'est ça, j'étais angoissée parce que même si j'étais bien entourée, mon conjoint, la famille, les amis, tout le monde se sentait très impuissant parce qu'on ne pouvait rien faire. Donc, on ne sait pas trop. Non, c'est ça. Donc, c'est cela. Puis, donc, comment ton accouchement s'est passé? Mon accouchement, ben, mon accouchement, ça a été une césarienne parce qu'on a dû la sortir quand même vite. Donc, ça a été très traumatisant, en fait. Pas tant pour la césarienne ou pas, parce qu'en fait, il faut dire qu'au début, moi, cette grossesse-ci, j'avais commencé à avoir un suivi avec une sage-femme, puis bon, comme ma première grossesse. Mais en fait, au cours de la grossesse, je me suis dit, tu sais, bon, c'est pas grave, autant que la petite aille bien, mm-hmm. tout ça. Fait que c'était un moindre mal, dans le fond, la césarienne. C'est pas le fait que l'accouchement a été, comme l'intervention chirurgicale qui a été traumatisante, mais c'est le fait d'attendre un bébé qu'on sait pas comment il va aller, quand il va sortir, même si je savais que ça allait bien. Okay. C'est de pas savoir dans quel état, comment la suite des choses va se dérouler, là, les mm-hmm. semaines qui vont venir. Donc, c'est l'inconnu. Oui, exactement. Mm. L'inconnu, puis bon, l'impuissance. Mais c'est de faire confiance. Oui, faire confiance aux gens qui sont là-bas. Ouais. Mais j'imagine quand il est né, ils sont partis avec le bébé. Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est ça. Ils ont décidé de faire la césarienne. Là, j'ai appelé mon conjoint en urgence. Il a fallu qu'il vienne le plus vite possible parce qu'il fallait qu'il la sorte quand même rapidement, là. Donc, quand ils ont sorti le bébé, quand ils ont fait l'intervention, je ne l'ai pas vu, je n'y ai pas touché, je ne l'ai pas entendu non plus. Donc, ce qui se passe, c'est que évidemment, il y a l'unité néonatale qui est là, en plus de l'équipe pour la césarienne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans la salle. Ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que Alexandrine a été mise dans les mains, finalement, des intervenants comme les néonatologistes, inhalothérapeutes, tous les intervenants pour lui donner les premiers soins rapidement. Donc, ils sont partis avec aux soins intensifs, à l'unité néonatale. Puis moi, bien, évidemment, j'ai été terrorisée parce que, en fait, c'est terrorisant. Là. T'es enceinte, puis là, d'une seconde à l'autre, il n'y a plus de bébé. Là, tu ne vois le bébé. Puis j'ai vu ma fille 15 heures plus tard, dans le fond, le lendemain. Quand même, hein? Mon Dieu. Puis ton conjoint, est-ce qu'il l'avait vu partir? Il l'a vu partir. Il l'a vu, mais il était comme loin quand même d'elle. Il y a l'anesthésiste qui me disait, inquiète-toi pas, ta fille, elle va bien, elle est toute rose. Puis bon, j'avais des commentaires. Ouais, là, des bons feedbacks. Moi, c'est ça. Puis j'étais encouragée, c'est juste que... J'étais sous le choc, là. Oui, je pense que c'est normal aussi. Ben oui, mais il part d'une proximité complète à... C'est ça, complètement. C'est une grosse séparation rapide. Oui, c'est ça. Moi, je voulais te demander, est-ce que ça a été dur de créer ton lien d'attachement? Parce que ça a été comme 15 heures, puis si tu avais eu un suivi sage-femme la première fois, c'est directement sur toi, là. Est-ce que tu as trouvé ça plus dur? Évidemment, le lien d'attachement... Ben oui, puis non, à quelque part... Mais en tout cas, pour ma part, l'attachement, c'était vraiment viscéral. Là. Ma fille, ça a été long avant que j'aie l'impression, en fait, que le cordon soit coupé. Là. Ça a été comme le contraire. J'ai l'impression d'être encore enceinte les semaines qui ont suivi l'accouchement. Là. Okay. Aussi, peut-être, c'est sûr que l'attachement, ce qui a aidé dans les semaines qui ont suivi, c'est qu'on m'a proposé de faire le projet kangourou. Donc, c'est l'infirmière du département qui est venue me voir, m'a dit « Alexandrine, c'est une bonne candidate pour ce projet-là parce qu'elle va bien, parce qu'elle n'était plus aux soins intensifs, elle est sortie vite des soins intensifs. » Fait que c'est de finalement de faire du pot à pot avec son bébé le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Ah ouais. Fait que c'est ça, j'ai passé mes semaines en pot à pot avec ma fille. C'est comme le fun. Si finalement c'est un beau projet. Hein? Oui, vraiment. Oui. Mais ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui pouvait être un bon candidat. Oui, parce qu'il y en a qui étaient au soin intensif, puis là, bon, ils disent que bon. Ils peuvent pas le prendre. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de fils et tout ça. Des fois, les bébés sont très, très fragiles. Oui. Mais ouais, le lien d'attachement, c'est sûr que c'est différent d'une grossesse à terme, là. Mm-hmm. Puis comment tu as vécu le milieu hospitalier? Parce que justement, hier, on en parlait, il y avait un documentaire à Télé-Québec sur la néonatalogie, puis c'était assez troublant. On va en reparler un peu tantôt, mais c'est toutes les machines, beaucoup de professionnels. C'est assez fou comme contexte. Comment tu es arrivée là-dedans? Ben, en fait, au début, c'est vrai, c'est un petit peu... c'est un peu troublant, oui, effectivement, parce que... En fait, j'ai comme regretté de ne pas être allée visiter l'unité néonatale avant l'accouchement, ce que j'aurais pu faire pendant que j'étais alitée, pendant que j'étais dans le département de grossesse à risque, parce que ça m'aurait donné une idée de ce que c'est. Tu sais, okay. Je connaissais vraiment pas du tout ce milieu-là, donc je suis arrivée... quand je suis arrivée, en fait, après l'accouchement, après la césarienne, le lendemain, quand j'étais arrivée pour visiter ma fille, premièrement, on peut pas rentrer comme ça... N'importe qui, même moi, il faut que je m'annonce à l'accueil, tout ça. Puis là, où est ton bébé? Il y a comme plusieurs salles. C'est sûr que ça, dans les soins intensifs, surtout, là, ça s'affaire beaucoup. Il y a beaucoup d'infirmières, il y a beaucoup de spécialistes qui sont là. D'ailleurs, j'ai pas pu voir ma fille à cause qu'il y avait un bébé à côté d'elle qui allait pas bien pendant la nuit. Sinon, j'aurais pu la voir avant. Là. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est quand même très, très, très surveillé. Puis... c'est deux personnes à la fois, en fait, qui peuvent rentrer, pas plus. Avec un parent, c'est une personne et un parent ou les deux parents. Puis nous, quand on est arrivé la première fois, on ne savait pas, on est arrivé. Puis je suis même arrivée avec mon fils, ma mère. Puis on s'est fait revirer de bord, là, ouais, vraiment. C'était là, juste été, toi. Ouais. Fait que, puis c'est sûr que, bon, là, tu vois ta fille, ça fait 15 heures que tu as accouché. Puis là, tu vois ta fille, mais que tu la vois pas finalement parce qu'elle a... Elle avait une journée, ça l'avait été intubée, donc je voyais comme juste le bas de ses joues, puis sa bouche un petit peu. Elle avait un tube dans la bouche aussi, elle avait des électrodes sur le ventre, un saturomètre aussi pour l'oxygène, elle était pluguée de partout. Elle avait l'hyperalimentation aussi, elle avait des antibiotiques par intraveineuse. Fait que finalement, tu vois ce petit être-là qui est très, très fragile, très petit, puis là, c'est très difficile. Là. Ouais. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions pendant toutes les semaines qui ont suivi. Là, déjà, okay, bon, on sait après, que les hormones là, de l'accouchement, c'est... Mais là, avec ça en plus, comme expérience, puis comme... ça fait beaucoup. Comme choc, là, c'est beaucoup. Ouais. Puis là, elle était aux soins intensifs, fait qu'elle était alimentée, puis tout ça. Puis après, comment... t'as-tu pu faire les soins, lui donner, oui, lui donner à boire? Oui, ben en fait, moi, j'ai elle a eu de l'hyperalimentation pendant un certain temps, jusqu'à temps que son lait, son gavage soit rendu à une quantité assez grande pour lui donner juste du lait. Là, il enlève graduellement l'hyperalimentation. Mais donc, j'ai tiré mon lait. C'est quoi ça, l'hyperalimentation? Ben, c'est en fait un soluté, en fait, pour remplacer le lait. Parce qu'elle a commencé à avoir mon lait. J'ai tiré mon lait à partir de, bon, 2 heures peut-être après l'accouchement. Puis elle a eu mon lait par gavage dès le premier 12 heures à peu près, je dirais. Là. Dès que j'ai pu apporter du lait, mon colostrum aux soins intensifs, ben là, il donnait, même si c'était 2 gouttes le début, ben il donnait les 2 gouttes. Tu sais, c'est vraiment précieux, là. C'est ben de l'or. Ouais, c'est vraiment fait que, très important. Puis, fait que c'est ça, elle avait le lait. Puis, en fait, je me rappelle plus exactement, là, j'ai pas les chiffres devant moi, mais en tout cas, vers la 34e semaine, donc 6 semaines après l'accouchement, là, j'ai pu la mettre au sein une première fois. Parce qu'en fait, ils ont le réflexe de suction, mais ils n'ont pas le réflexe de déglutition avant la 34e. en général. Donc, dans le fond, c'est la 34e semaine, comme s'il était encore... Oui, 34e semaine de grossesse. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est sûr, par rapport aux autres soins, en fait... oui, tu sais, comme il encourage beaucoup les parents à s'impliquer, là. Puis, il y a des parents qui sont moins à l'aise au début, c'est sûr, là, mais pour, mettons, pendant un changement de couche, de changer le saturomètre de pied, il y a différents soins à faire. Fait que tu faisais comme des soins comme les infirmières faisaient quand j'étais pas là. Là. Okay. Donc, oui. J'ai appris beaucoup. Oui, c'est ça. Ça doit, hein? Oui. Par rapport à quand tu donnais ton lait, dans le fond, est-ce que c'est une initiative personnelle ou est-ce que c'est quelque chose qu'on te suggère de faire? T'es encouragé? Ben, comment ça marche un peu? C'est très... Il suggère fortement. En fait, c'est très, très... c'est bien vu, là. Oui, même que... il pousse vraiment beaucoup pour ça parce qu'on sait que c'est extrêmement bon. Et puis, les prématurés ont besoin de ce colostrum-là aussi pour justement là, prévenir les infections, tout ça. Mais même qu'il y avait une néonatologiste qui était venue me voir dans ma chambre avant l'accouchement, puis j'avais des questions, des inquiétudes, fait que je lui parlais, puis je lui disais, moi, je veux tirer mon lait absolument. Elle dit, c'est merveilleux parce qu'on veut que tu tires ton lait, tu sais. On va t'aider. C'était très encourageant, oui, puis c'est très soutenu. Il y a beaucoup, il y a aussi des intervenantes en allaitement, là, qui sont là pour aider s'il y a des questions, des problématiques, tout ça. Fait que j'ai commencé à tirer mon lait à l'hôpital. Il y avait même des salles pour tirer son lait là, à l'unité néonatale. Là. Donc, il y a des pièces vraiment. Puis, ils prêtent les machines, les tire-laits, ils prêtent... les filles apportaient leur tubulure, tout ça. Là, les autres puis, moi, je m'étais acheté mon tire-lait parce que pour la maison, puis pour la nuit, là, pour continuer de produire du lait... Puis, il faut dire que quand après 3 jours ou une semaine, tu as dû quitter l'hôpital? Oui. Après, je suis restée 4 jours à l'hôpital, puis après l'accouchement. Puis, c'est ça a été un choc aussi, en fait, parce que ça faisait quasiment un mois que j'étais partie. Puis là, il fallait que je m'éloigne de ma fille. Il faut dire que j'habite à 1 heure aussi, 1 heure et quart de l'hôpital. Donc c'est ça. Il a fallu, que je quitte les lieux. Puis, une chose que j'avais pas aimée, par contre, que je trouve que je reproche là, au centre hospitalier, là, c'est un accouchement comme ça, prématuré, en fait, il devrait mettre les mêmes familles dans les mêmes chambres. Mm-hmm. Mais moi, j'étais dans une chambre là, avec une famille, une femme qui avait accouché à terme, tout ça, qui était... Que tout allait bien. Que tout allait bien. Le bébé était là à côté. Il y avait un drap qui nous séparait. Puis moi, j'étais tout seule. J'ai vu, en fait, 3 familles passer pendant que j'étais là. Fait que moi, je tirais mon lait, je pleurais, j'étais tout seule. Puis je pouvais même pas aller voir ma fille à l'unité parce que des fois, j'étais tout seule, donc j'avais pas accès. Fait qu'en tout cas, ça, j'ai trouvé ça ordinaire. Ouais. Mais sinon. Alors qu'il y avait plusieurs autres femmes qui ont accouché en même temps que toi, d'enfants prématurés. C'est ça que j'ai su après. On s'en est parlé, puis on s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas. Là. Mm-hmm. À 1 heure d'intervalle, on a eu notre césarienne. Pourquoi ils ne nous ont pas mis? Bon. Enfin. Mais sinon, c'est ça. Je suis partie chez moi, puis. Puis là, j'ai voyagé. J'ai passé des semaines à Québec aussi, mais la fin de semaine, j'allais voir mon garçon. Mm-hmm. Il y a le manoir Ronald McDonald, je pense, où c'est possible d'aller. Oui, il y en a qui allaient là. Okay. Il y en a que ça peut être avantageux. Ceux qui sont loin parce que c'est entre mère-enfant, ça dessert l'Est du Québec. Oui. C'est sûr qu'il y avait des gens de Sept-Îles, de la Madeleine, de quand même assez loin qui arrivaient puis qui pouvaient rester là pendant 2-3 mois. Ça, c'est avantageux. Moi, dans mon cas, pour une semaine, d'y aller de temps en temps, non. Là. Okay. Mais moi, j'avais de la famille. C'est gratuit? Ça coûte 10$ par jour. Ah, OK. Je pensais que c'était gratuit. Okay, ouais. C'est 10$ par jour. Si je me rappelle bien, c'était quand même pas si pire. Hein? C'est sûr que c'est moins cher que l'hôtel. Mais finalement, le séjour à l'hôpital de ta fille a duré combien de temps? 75 jours. Okay. Donc, c'est 10 semaines et demie, je crois. C'est à peu près presque 3 mois. OK. Fait qu'elle est sortie de l'hôpital à peu près quand on est sorti la date prévue d'accouchement. Je suis sortie, on est sortie une semaine avant la date prévue d'accouchement. Donc, 39 semaines de grossesse, on est allé la chercher. Okay. Mon garçon, il l'avait vu juste une fois pendant le printemps. Là, fait que quand on est allé la chercher, ça a été comme si je venais d'accoucher. Ça a été vraiment un beau moment. Puis le retour à la maison avec la petite, est-ce qu'il y avait des soins encore particuliers? Ou? Non, nous, on a été très, très chanceux, en fait, parce qu'on n'a pas eu à revenir avec de l'oxygène à la maison, comme certains. Alexandrine, ça a vraiment bien été, ça s'est bien développé, il n'y a pas eu de complications. Donc, quand on est arrivé à la maison, on était juste extrêmement soulagés d'être enfin réunis, tous les quatre. Ben ouais, okay. C'est ça. Puis, en terminant, est-ce que tu aurais des conseils pour des proches ou des parents qui vivent ça, ou des proches de parents qui vivent une expérience comme ça? Comment les aider? Quoi pas dire? Quoi pas faire? Moi, ça dépend, parce que c'est vraiment du cas par cas. Ouais. Parce qu'il y a des choses peut-être que moi, j'entendrais puis ça ne me dérangerait pas, qui pourraient déranger à d'autres ou vice-versa. Mm-hmm. Mais évidemment, les encouragements, nous, on a été vraiment beaucoup soutenus par la famille puis les amis. On a été vraiment, vraiment aidés. Ça a été extraordinaire. Mais la seule chose que je pense qui est bien, c'est d'avoir confiance puis d'être positif, parce que ça paraît banal de dire ça, puis c'est comme facile à dire, là, parce que moi, ça a bien été quand même, étant donné les circonstances, mais c'est vraiment, comme Préma Québec, ils disent, c'est vraiment de porter l'espoir, c'est vrai, tu sais, c'est la majorité des cas, ça se déroule bien, tout ça. Okay. Sauf que c'est le plus positif le possible. Plus, oui, mais de pas, c'est sûr de ne pas hésiter d'en parler, là, parce qu'on ne connaît pas beaucoup cette situation-là. En tout cas, moi, je ne connaissais pas beaucoup. Avant que ça m'arrive, là, je ne connaissais pas la situation. Puis finalement, je me rends compte qu'en parlant à toutes sortes de monde, tout le monde me dit « Ah oui, moi, ma belle-sœur, c'est une prématurée, elle pesait une livre. Okay. » Après ça, telle madame qui a 75 ans, quand elle est née, elle pesait 2 livres. Ah ouais. Fait que même dans le temps, des histoires. Oui, c'est ça. Il y en a toujours eu. C'est juste que maintenant, on les sauve. On fait le plus de choses possibles pour finalement que ça aille bien. Mais ça se passait aussi à l'époque. Oui. Il y avait des petits miracles à l'époque aussi. Ben oui, on en voit, je lisais un peu là, dans la littérature, on voit toutes sortes d'histoires. Un enfant gardé au chaud près d'un poêle dans une boîte à chaussures. Nourri au compte-gouttes. Oui. Avec toutes sortes de préparations aussi étranges. Oui. Mais Oui, effectivement. Puis. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est extraordinaire le travail qui est fait, puis tout ce dont on. Comment je pourrais dire? Le travail des intervenants, tout ça, dans ce domaine-là, c'est extraordinaire. Oui, il y a beaucoup de dévouement. Beaucoup de dévouement. C'est très, très humain. Ils aiment leur travail. Oui, vraiment beaucoup. Puis moi, je ne connaissais pas beaucoup ce milieu-là, là, je me répète. Mais j'étais portée, moi, à plus choisir les méthodes naturelles, tout ça. Puis bon, en fait, c'est la situation qui a fait que ça n'a pas eu lieu. Sauf que j'ai été comme rassurée un peu. J'avais comme des idées avant, un petit peu, peut-être pas des préjugés, mais un peu du milieu médical, que c'est froid. Oui, c'est ça. Mais finalement, on a été très, très bien accueillis et voilà. Ben, merci beaucoup, Amélie, pour cette belle entrevue. C'est très intéressant parce que, comme tu l'as si bien dit, on ne connaît pas tous très bien ce milieu-là. Puis je pense que ça nous éclaire. C'est un beau partage, tous en tout cas. Merci. Alors, on s'en va bientôt, tout de suite en pause. En fait, on va aller en musique avec Bublicious Baby de Benoît Rochelot. Et après la pause, on va avoir Ingrid qui va nous faire une petite chronique sur les ressources en prématurité. Vous êtes à C'est fou. Vous êtes à les ondes de C'est fou. 89.1. You are my Bublicious Baby. Vanilla ice cream, baby. You make my life so sweet. Get me out. De voir la suite. Comme un carré de sucre à crème ou un cherry blossom, je peux pas dire combien je t'aime, mon beau petit bonhomme. Popsicle ou Mr. Freeze, un casse-gueule ou une pastille, une douceur pour mes papilles sur mon sonnet t'es la cerise. You are my bubblicious baby. Vanilla ice cream baby. You make my life so sweet que j'ai hâte de voir la suite. T'es mon babouba baby, mon sweet and sour candy. Comme une surprise, tu te caches dedans ma boîte de Cracker Jack. You are my bubblicious baby. So sweet que j'ai hâte de voir la suite. Quelquefois j'ai l'impression, quand tu rôtes comme un godshop, que t'es contenu sous pression comme une canette de 7-Up. D'autres fois j'ai l'impression, quand tu forces autant que tu peux, que tu es un tout petit bonbon au centre juteux. You are my bottle-licious baby, vanilla ice cream baby. You make my life so sweet. You make my life so sweet que j'ai hâte de voir la suite. De retour à Connaître ensemble. Alors, juste avant la pause, on a entendu Benoît Rochelot avec sa chanson « Bublicious Baby ». Alors, pour l'instant, on va parler de ressources à propos de la prématurité avec Ingrid. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, certainement. Oui. Oui, donc aujourd'hui, je parle des ressources pour les parents d'enfants prématurés. Donc, il y a vraiment un manque flagrant de ressources, surtout en région, là, particulièrement, je veux dire, les ressources sont centralisées vraiment autour de Montréal. Donc, région, là, ça comprend Québec qui est quand même, et Sherbrooke, là, qui sont de très grandes villes, mais qui n'ont presque pas de ressources pour le moment. Ce qui existe beaucoup et qui est très connu, c'est Préma Québec. C'est ce qu'on parlait tantôt. Oui, exactement. Là, ouais. C'est vraiment la ressource majeure pour les parents d'enfants prématurés. Il y a plusieurs services. Par exemple, la ligne d'écoute et de référence. C'est une ligne d'écoute du lundi au vendredi de 9 à 16 heures. Le numéro va être disponible sur... Bien, le numéro, en fait, est disponible sur le site Internet que je vais donner tantôt, là, puis qu'on va afficher sur notre page Facebook. Il y a également les cafés causeries. C'est des cafés rencontres entre parents pour échanger, parler de leur vécu, mais avec d'autres parents qui ont des prématurés. Ça vient juste d'arriver ou, ben non, ça fait 4 ans, puis qu'est-ce qui se passe? C'est une belle occasion de se faire un réseau de soutien dans ces cafés causeries-là. Ça se déroule souvent dans les unités de néonatologie parce que les parents sont déjà sur place. OK, ben ouais. Font connaissance dans ce temps-là. Oui, puis ça fait moins de déplacements quand on est plus en région. Ouais. Parfois, il y a même certains spécialistes qui vont se joindre à ces cafés-causeries-là pour parler des ressources qui sont disponibles puis soutenir les parents dans cette épreuve-là. Intéressant, ça, pareil, parce que c'est pas juste du monde de n'importe où. Non, c'est ça. C'est pas monsieur, madame, tout le monde, je l'ai vécu, ce qui est intéressant, mais c'est intéressant aussi d'avoir un spécialiste qui dit ben écoute, c'est vraiment ça qui se passe. Après ça, il existe aussi la documentation qui est gratuite sur le site Internet. Il y a des publications en rapport avec la prématurité, des brochures, des dépliants, des bulletins. Il y a de l'entraide et du partage. On peut faire des demandes ponctuelles. C'est pour les besoins financiers, là, que ce soit pour le transport, l'hébergement, la location de tire-lait. Puis ça, c'est toujours sur le site de Préma Québec. Oui, c'est Préma Québec qui fournit ça. Ah ouais. Puis en fait, ouais, ça, on peut faire la demande, mais je pense dans les centres hospitaliers, bon, il y a peut-être une personne ressource Préma Québec à qui on peut se référer à ce niveau-là, là, qui permet la location et tout. On peut également faire pour faire une demande, là, la procédure va être expliquée sur le site Internet, là, comme tu disais exactement. Je t'ai pas rendu dans ma feuille. C'est pas grave. Il y a un élément qui est important à savoir. On peut faire une demande d'aide financière au gouvernement pour les enfants prématurés. La prématurité a été ajoutée, puis les critères se sont assouplis sur le formulaire de demande de supplément pour enfants handicapés. OK. Donc, la prématurité n'égale pas un handicap, mais c'est pourquoi est-ce qu'ils ont ajouté ce critère-là? C'est pour répondre à une plus grande population, un plus grand bassin de gens pour des enfants qui ont des besoins spéciaux, qui sont prématurés comme un enfant handicapé. Okay. Donc, prématurité n'égale pas handicapé. Non, c'est ça, c'est bien important. Ça peut arriver, mais c'est pas automatique. Exactement. pour les bébés de 28 semaines et moins, ou 1000 grammes et moins, un kilogramme, sont éligibles à une allocation pour une période de 2 ans. Ah ouais, quand même. C'est intéressant de savoir ça. Ouais. Ce qui est également qui est offert par Préma Québec, il y a du soutien à l'allaitement, du soutien au deuil aussi. Mm. C'est une section entière qui est consacrée au soutien à la suite de la perte d'un enfant qui est prématuré. Mm. Donc, on peut aller chercher ça aussi. C'est pas parce que notre enfant n'a pas eu ses 40 semaines de développement, là, mais qui est mort à 34 semaines, puis était né à 28, qu'on n'a pas le droit de partager ça. Mais puis Préma Québec vient en aide à ces gens-là. Mm. Donc, il y a des ressources là, comme des textes de ceux qui sont passés par le deuil. Okay. Donc, Préma Québec, c'est vraiment la ressource au Québec là, qui est formidable et qui est la plus complète là, ouais. pour les enfants d'enfants prématurés. Okay. Vous allez voir, il y a des belles photos sur le site Internet. Là. C'est vraiment assez intéressant à aller voir. Il existe aussi un autre site, c'est sospréma.com. Préma, en passant, Préma Québec, c'est www.prémaquébec.com.ca, désolé. Puis sospréma.com, c'est un site français. Okay. sospréma.com, en un mot. Ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est les forums. Les forums de discussion sont vraiment divisés. Prématurité, accouchement, deuil, général. Il y a vraiment plein de sous-catégories de forums. OK. Ça peut être intéressant d'échanger, puis c'est en français. Ouais. Donc, il existe aussi un autre site qui est intéressant. Là. C'est sur des livres, en fait. Là. C'est les livres des prématurés. Puis, il existe le livre, le grand livre du bébé prématuré. L'auteur, c'est Sylvie Louis. Elle est publiée par les éditions Enfants Québec avec la collaboration du CHUS, du CHU. C'est Sherbrooke, le CHU à Sherbrooke. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas lui, c'est le SHU Sainte-Justine et de l'Université de Montréal. Ah, OK. Vraiment, donc l'unité néonatale. Là. OK. Il y a des chapitres comme l'accouchement prématuré, l'univers médical, technologie médicale et traitement, prendre sa place de parent, nourrir son bébé à l'hôpital, congé de l'hôpital, enfin, on est à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Développement de l'enfant prématuré. Mais c'est apprendre un diagnostic difficile, terminer la poursuite à la suite de celui-ci, là, cheminer à travers ça, perdre son bébé. Genre la réhospitalisation, mais également le deuil. Là. OK. Cause de la prématurité et prévention. Un autre bébé, la vie continue aussi. Est-ce qu'avec un autre bébé, j'ai encore des risques? Ou, tu sais, ça répond un peu à ces questions-là. De la même hauteur, on retrouve accompagner son enfant prématuré de la naissance à 5 ans. Puis, que devient les très grands prématurés de 26 semaines et moins? OK. Alors, un site Internet, il y a le lien vers les autres ouvrages. Là, on va également le déposer sur le site de Counaître, sur la page Facebook, en fait. Oui. Et puis, si jamais vous entendez ça, puis vous n'êtes pas abonné, vous avez juste à faire une demande, puis on vous accepte comme ami, puis vous avez toutes les ressources. Puis, on met toutes les émissions aussi dans un document que vous pouvez réécouter avec les sujets des émissions. Petite pub Facebook. Mais... Oui, mais on tient notre page Facebook à jour. Là. C'est le meilleur moyen de nous contacter via, par exemple, notre site Internet là, qui est un peu plus dur. Ouais. Puis, parlant de ressources, ben c'est pas c'est pas vraiment une ressource pour chercher du soutien, tout ça. Mais moi, hier, j'ai écouté l'émission qu'il y a eu à Québec sur les prématurés, qui est quand même une bonne émission pour informer qu'est-ce qu'une équipe de néonatologie fait. Néonatalogie, c'est néo pour nouveau, natalogie pour naître, dans le fond. Fait que c'était une émission qui a passé à Télé-Québec à 9h, là, puis qui est en train de repasser en ce moment. Là. J'ai le site Internet de Télé-Québec devant moi, puis c'est comme en rediffusion en ce moment. Mais ça va repasser aussi dimanche prochain, le 22 janvier, à 3h de l'après-midi, puis à 11h du soir. Ça dure une heure, mais c'est vraiment intéressant. Là. Il parlait de l'équipe de néonatologie à l'hôpital de Montréal pour enfants, ou Children's Hospital of Montreal. puis dans le fond, il y avait beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme service à l'enfant, mais ils disaient aussi, c'était un peu, beaucoup de statistiques, un peu, mettons, comme il y a un médecin qui parlait à un moment donné qui aurait besoin de 14 infirmières praticiennes. Ça, c'est c'est comme les nouvelles, ce qu'on dit, les super infirmières, ouais, là, mais c'est des infirmières cliniciennes. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme un entre-deux entre le médecin puis l'infirmière qui ont vraiment plus d'autonomie que l'infirmière. Puis, dans le fond, ils peuvent agir sans toujours être en train d'avoir à demander au médecin tout ça. Il y en aurait besoin de 14, puis il y en ont 6 à l'hôpital. Mon Dieu, fait que, tu sais, c'est vraiment difficile d'avoir des ressources spécialisées, mais quand même, au moins, ils en ont. Puis, même dans ces 6-là, ils disaient que. qu'il y en avait des temps partiels. Fait que mais c'est l'argent qui manque, c'est pas, ouais. c'est pas nécessairement ouais, ouais. Le personnel. Ben, ben, oui, le personnel, là, mais l'argent aussi, là, les subventions. Oui, ouais, tout à fait. C'est tellement cher, ces services-là. Dans l'émission, à un moment donné, il disait que l'hôpital, mettons, ben, je ne sais pas si c'est juste cette branche-là de néonatologie, là, mais c'était 250 000 $ par jour. Oh mon Dieu. C'est tout compris, c'est énorme, là, le loyer, l'électricité, tout ça, les salaires, le matériel, les médicaments, tout ça, mais imagine, ça a par quasiment... jour. Oh, ouais. Mais là, je me suis demandé si j'avais bien compris, mais ça a l'air que ça a été ça, parce qu'ils l'ont comme répété, là, pas longtemps après, puis... Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont besoin, ça doit coûter cher, surtout parce qu'ils ont toujours besoin de se spécialiser. Tu sais, c'est tellement des cas différents. Il y en a que ça peut être une détresse respiratoire, ça peut être dans le cœur, ça peut être une perforation du tube digestif. Là, on a mis une couple d'affaires, mais il y a à peu près 450 transferts par année. Juste là. Mais en tout cas, c'est une émission qui a été vraiment intéressante. Est-ce que c'est dans le cadre d'une émission, genre comme Découverte, par exemple, ben, ou c'est vraiment un dossier spécial à Télé-Québec non, cette semaine? Non, l'émission, ça s'appelle Soins intensifs. Donc, il aborde les soins intensifs, et là, c'était le chapitre sur la néonatologie. Ouais, néonatologie. Ben, l'émission, c'est Soins intensifs, plus celle-là, c'était auprès des nouveaux-nés. Okay. Soins intensifs auprès des nouveaux-nés. Ça doit être un des chapitres là, à travers ouais, c'est ça. Là, cette émission. Puis, dans le fond, il donnait vraiment plein d'efforts. En tout cas, c'était super intéressant. C'était très touchant aussi. C'est difficile à voir des fois. Tu vois les parents à côté de leur enfant qui sont pluggés de partout. Mm. Mais, tu sais, c'est quand même intéressant. C'est des belles à histoires en puis, tant que ouais, aussi. C'est ça. Puis il y avait vraiment des belles histoires. Là, je finis juste à parler de ça. Pour ça, je vous fais une petite chronique actualité. Mais il y a même, à un moment donné, l'infirmière praticienne en chef, là, si on veut, celle qui a même aidé à mettre le programme d'infirmière praticienne. Elle disait qu'ils donnaient un livre à chaque parent pour qu'ils comptent à leur enfant l'histoire. C'est comme le meilleur contact qu'ils peuvent avoir rapidement. Puis, en tout cas, c'était vraiment touchant. Est-ce que c'est le premier hiver de Max? C'était pas ça, je non? sais pas si c'était le même livre à chaque parent. Ils n'ont pas précisé, puis j'ai pas vu l'image, là, mais ça se peut. C'est un livre de Madame Louise... Sylvie Louis, excusez. Je sais pas. Faudrait peut-être que je réécoute l'émission, puis là, je pourrais peut-être regarder l'image. C'est bon, merci Christine. Alors, on va finir l'émission avec une petite chronique actualité. Donc, pour finir l'émission de cette semaine sur la prématurité, ben en fait, c'est pas juste des choses qui parlent de la prématurité, mais il y en a un qui est arrivé le 31 décembre et le 1er janvier dernier. Je vais juste vous partager une nouvelle cocasse quand même un peu parce qu'il y a deux jumeaux qui sont nés au Minnesota le 31 décembre 2011, le premier bébé, et le deuxième bébé est né le 1er janvier 2012. À combien de minutes d'intervalle, dis-tu? Ils sont nés, attends un petit peu, ben en fait, le premier il est né à 6h40 du soir, puis la deuxième est née à minuit ou midi 26. Bien sûrement pas, minuit 26. C'est dans la nuit, oui, minuit 26, donc à peu près quasiment 6 heures d'intervalle. Oh mon Dieu, oui. Mais quand même 26 minutes dans l'autre année. C'est spécial. Oui, puis c'est un petit gars puis une petite fille puis ils vont super bien. À peu près 2 kilos chaque. Là, 2.4 kilos chaque. Fait que petite nouvelle cocasse en partant. L'autre chose que je veux vous parler qui va se passer le 25 janvier prochain à l'UQAM, il y a la Faculté des sciences humaines. Ils font un genre de colloque. C'est dans le cadre de l'Institut de recherche des études et d'études féministes. Il y a un colloque, ben en fait, une rencontre midi, là, ça dure à peu près une heure et demie. C'est sur la profession de sage-femme et ses enjeux actuels. C'est animé par Julie Lavigne, qui est professeure au département de sexologie de l'UQAM, puis membre de l'IREF. Ça, c'est l'Institut de recherche d'études féministes. Puis il va y avoir Stéphanie Saint-Amand qui est consultante en périnatalité puis en droit à santé et pratique. Il annonce pas de sage-femme, là? Là, c'est une petite page mini description, là. Fait que je vois pas qu'il y a des invités sage-femme là-dedans, mais okay. C'est, dans le fond, c'est un midi rencontre à propos de la profession sage-femme puis de ses enjeux actuels. Dans le fond, je vais mettre la ressource sur la page Facebook, là, mais c'est 25 janvier prochain, de 12h30 à 14h. Puis c'est ça, je vais mettre la référence sur Facebook. Oui, ça a l'air quand même assez intéressant. Hein, ouais, si moi, j'aimerais ça y aller. Ça, mais ça tombe à quoi? Oui, c'est ça. Non, c'est un mercredi. Ah. Ouais, nous, on a on est cours. En cours. Ça va aller mal faire l'aller-retour, ça marchera pas. Puis je veux parler de deux dernières petites nouvelles. En fait, une nouvelle un peu moins le fun, mais c'est ça a été publié hier sur le site de Cyberpresse, c'est qu'il y a beaucoup de la population ethnique asiatique, si on veut. T'sais, on sait que dans ces pays-là, quand ils sont directement là, il y a beaucoup d'avortements ou d'abandon de petites filles, tout ça. C'est pour ça que c'est souvent eux autres qui sont mis en adoption. Bien là, ça se répercute jusqu'ici, ça, dans le fond. C'est comme un peu dans leur... Ben, je ne sais pas si on peut dire coutume, là, mais c'est... Mais mettons phénomène culturel, peut-être. Oui, c'est ça. Mais là, il y a pas une loi, mais dans le fond, il essaie de faire en sorte que lors de l'échographie j'ai pas 12 semaines, parce que ça, c'est rare qu'on peut vraiment être sûr à 100%, là, mais en tout cas, une échographie tardive, il voudrait que, dans le fond, le sexe soit pas dit. Dans le fond, le sexe des fœtus pour... que plus de filles soient sauvées. Mais seulement chez la population asiatique ou de le faire carrément chez tout le monde? Hein? Ben en fait, dans l'article, ce qu'ils disent, c'est vraiment que c'est pas juste l'Asie, là, c'est pas juste la Chine. Non, c'est ça. T'sais, mais les pays qui nomment, dans le fond, que où est-ce que ça arrive souvent, c'est surtout la Chine puis l'Inde. Puis ils disent que, dans le fond, ça se reproduit même jusqu'ici, que, tu sais, mettons, s'il y a une famille... Là-bas, c'est un enfant, mettons, en Chine, qui n'ont pas le droit d'en avoir plus qu'un, ou mettons, si tu es en campagne, tu en as deux. Mais dans le fond, ici, s'ils ont deux filles, ben là, si le troisième fœtus, c'est une fille, puis ils savent, ben il va avoir plus d'avortements, puis c'est vraiment les statistiques qui sont comptabilisées. Là, c'est assez alarmant. Hein? Oui, c'est ça. Fait que là, ils se demandent s'ils devraient faire taire le sexe des fœtus pour sauver le plus de filles au Canada. Dernière chose que je veux vous partager qui est plus positive. En fait, deux petites dernières. juste pour ceux qui sont en Estrie, alors si vous connaissez des gens qui sont en Estrie, il y a une ressource aidante pour en périnatalité qui s'appelle Naissance Renaissance. Eux autres, ils fêtent ses 30 ans cette année. Alors, c'est 20 ans, je veux dire. Alors, vous irez voir sur notre site Facebook, on va mettre la ressource. Puis, dernière petite nouvelle cocasse. Oui. Il y a eu un accouchement à New York hier dans un train. La femme, elle n'a pas eu le temps de se rendre à l'hôpital en plein cœur de New York à 31 ans. Puis elle a donné naissance à un petit garçon qui va super bien, puis tout ça. Ben, tant mieux. Oui. Alors, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. On va remercier encore une fois Amélie, puis merci Ingrid pour ta ressource. Merci. Alors, on termine ça en chanson avec Arpenté de Jérôme Minière. Vous êtes à l'écoute de l'émission Connaître ensemble sur les ondes de CIFU 89.1. Bonne journée. On peut croire ce que l'on veut. On peut s'accrocher aux fontaines de certitude pour se protéger à des idées fossilisées. Par l'habitude, on peut emprunter toujours des voies bien balisées et puis soudain changer d'avis, improviser le chemin. Improviser le chemin. Alors on peut arpenter des sentiers de pensée, des sentiers de pensée. Oui, on peut les arpenter sans trop savoir où l'on va, sans trop savoir où l'on va. Les longues rues remontent sous la pointe de mon crayon. Je traîne ce que j'ai à dire dans un sac sur l'épaule. C'est comme des grimaces et puis des sourires qui passent et puis se retirent, s'entremêlent et font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire du bruit sous la langue. Alors on peut arpenter des sentiers de mots, des sentiers de mots. Oui, on peut les arpenter sans trop savoir où l'on va, sans trop savoir où l'on va. Le long de ton dos, ma main remonte, traîne jusqu'à ton épaule. Des caresses, encore des caresses qui passent et puis se retirent, s'entremêlent et font ce qu'elles peuvent, c'est-à-dire tout, tout ce qui peut nous remplir, nous faire nous sentir bien ici et maintenant, enfin dans le présent, enfin dans le présent. Alors on peut arpenter des sentiers de caresses, des sentiers de caresses. Oui, on peut les arpenter sans trop savoir où l'on va, sans trop savoir où l'on va, sans trop savoir où l'on va.